Le comité de lutte contre la disposition de SAD de Songzhou a tenu le 18 devant la sous-préfecture de Songzhou, province du Gyeongsang du Nord, le 6e rassemblement à la bougie contre la décision des États-Unis et des autorités sud-coréennes sur la disposition des missiles américains, apprend-on du journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple. Par ailleurs, selon un autre journal d'internet sud-coréen Tongilnews, la direction de Taesun du Comité du Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a commencé le 14 à Taesun l'action extraordinaire contre la disposition de SAD des États-Unis et de la bande de Pakonnet.